La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. Sixième séance de la troisième. Donc, nous avons vu la dernière fois comment nous sommes passés de l'herméneutique au structuralisme. Et ce que nous avons constaté, c'est que Lacan, très spécifiquement, se situe par-delà l'herméneutique et le structuralisme, puisqu'il considère qu'il y a une béance qui sépare toujours le symbolique du réel. L'ordre symbolique est barré. La chaîne signifiante est inconsistante, elle se structure autour d'un trou. Cet écueil, qui est insymbolisable, maintient la béance ouverte entre le symbolique et le réel. Et elle empêche donc ainsi le symbolique de tomber dans le réel. C'est-à-dire, il y a un symbolique, il y a un réel, ils sont d'une certaine manière reliés, mais sur un mode bien spécifique qu'on va essayer de déterminer, parce que ce qui est en jeu dans ce décentrement entre le symbolique et le réel, c'est la notion de cause, c'est la cause. On peut dire que le réel, c'est la cause absente du symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue très concret, c'est-à-dire le freudien au départ, le non-freudien, et lacanien aussi bien sûr de cette cause, c'est le traumatisme. Parce que ce qu'il faut bien saisir, c'est que le rapport entre la cause et la loi est d'ordre antagoniste. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est même absolument l'inverse. La loi, c'est une loi qui est celle de la détermination symbolique. La cause, elle, en tant que réelle, elle intervient là, justement, où la détermination symbolique ne marche pas, elle fait long feu. Il y a un signifiant qui choisit au dehors, et c'est là qu'on a affaire à une cause et à un réel. Parce qu'il n'y a de cause, comme dit Lacan, que de ce qui cloche. La cause, en tant que réel, ne peut jamais effectuer sa puissance causale de façon directe. Elle affecte toujours d'abord, a priori, le symbolique, elle fait dérailler l'automaton de la chaîne signifiante, et c'est pour ça que le réel est la cause absente qui perturbe la causalité de la chaîne signifiante. C'est là où on fait la différence entre la cause et la causalité. La causalité, c'est quand il y a une détermination symbolique qui fait qu'on a une conséquence qui arrive. La cause, c'est quand il n'y en a pas. La cause vient en lieu et place de la causalité qui dysfonctionne. Donc cette ambiguïté fondamentale de la cause, on peut la retrouver sur un autre plan, c'est qu'elle est simultanément, un, le roc présupposé qui résiste à la symbolisation, et donc qui bouleverse le cours de l'automaton, et deux, d'autre part, le produit rétroactif de ses propres effets. C'est ça qui est un peu complexe à saisir, vous l'avez vu, ça fait deux ou trois fois qu'on essaie de l'aborder, parce que c'est un cercle vicieux, ce traumatisme. Il y a une cause qui détraque le cours de la symbolisation, et qui crée un déséquilibre, et puis deux, il n'y a pas d'existence propre de ce traumatisme avant sa symbolisation. Donc, en fait, le traumatisme ne prend consistance que de la nécessité de l'inconsistance du champ symbolique lui-même. Dès qu'on abolit le caractère rétrospectif du traumatisme, en le substantialisant, dès qu'on le substantialise, dès qu'on en fait une entité positive, qu'on isole comme précédant ses effets symboliques, on revient au déterminisme linéaire, c'est-à-dire en fait à la causalité. On a perdu le traumatisme entre temps. Pour appréhender le paradoxe de l'objet cause traumatique, puisque vous voyez, c'est là où on fait un petit saut lacanien, hein, puisqu'on parle de cause par rapport à la causalité. Cette cause, elle a un objet, c'est l'objet-cause. L'objet-cause traumatique, c'est bien sûr ce que Lacan appelle l'objet petit a. Et bien, pour l'aborder, cet objet petit a, en fait, comme on voit qu'on ne peut pas l'aborder directement, puisque sinon on est dans un déterminisme, si on suit une progression temporelle diachronique classique, si on ne comprend pas ce qui se passe dans le procédé rétroactif, c'est-à-dire la performance rétroactive, la performativité rétroactive, eh bien la seule manière de l'aborder réellement, c'est pourquoi Lacan invente ce modèle topologique, c'est la topologie. Puisque dans la topologie, la frontière qui sépare l'intérieur de l'extérieur coïncide avec la limite interne, c'est-à-dire qu'on ne change pas de bord. Puisque, on vient de le voir, c'est un peu complexe, mais il faut s'y habituer, l'objet apparaît comme un roc qui courbe l'espace symbolique, un traumatisme qui ne peut s'y intégrer, vous vous souvenez de la définition du traumatisme, hein, c'est quelque chose qui ne peut pas s'intégrer à l'univers symbolique qui lui préexiste, donc c'est quelque chose qui le courbe, et simultanément, si on essaye de le considérer en lui-même, et non pas à travers ses reflets déformés dans l'espace symbolique, eh bien, l'objet du traumatisme est réduit à néant. L'objet traumatisme est réduit à néant, on ne peut pas y accéder. Alors, cette surface structure incurvée, qui est donc issue de la dimension topologique, eh bien, c'est celle du sujet lui-même, bien sûr, parce que ce qui s'appelle sujet chez Lacan ne peut advenir que dans la structure de la surdétermination, le cercle vicieux où la cause elle-même est présupposée par ses... Ce qui s'appelle sujet chez Lacan, donc c'est là aussi, il n'y a aucun rapport avec le sujet philosophique, ça n'a aucun rapport avec la personne, l'individu, le truc comme ça, ça n'a strictement aucun rapport avec ça, le sujet lacanien. C'est pour ça que la plupart des gens, ils y captent que dalle, parce qu'ils mettent des définitions qui sont à l'opposé du sujet lacanien. Le sujet lacanien, en fait, il ne peut advenir que dans cette structure qui s'appelle une surdétermination, c'est-à-dire un cercle vicieux où la cause elle-même est présupposée par ses effets. Le sujet est strictement corrélatif de ce réel en tant que cause, donc c'est la fameuse formule S barré, Poinçon, petit a. Alors, pour saisir ce paradoxe constitutif du sujet, évidemment, il faut dépasser l'opposition basique du subjectif et de l'objectif. Là, on est autre part, on est dans la pure logique, justement. Comme on a un musicien ici qui s'y connaît très bien en logique, je le regarde. Donc, l'objet comme cause est en soi, c'est un en soi, hein, par rapport à la logique chez Hegel, en soi pour soi. On peut dire que c'est un en soi qui résiste absolument à la symbolisation, mais qui est dépendant du sujet lui-même. Donc, on peut dire que l'objet petit a est l'ombre du sujet sur les objets. C'est une ombre de quelque chose qui n'existe pas en tant qu'objet, c'est-à-dire qu'il n'a pas de consistance matérielle. Un tel objet, il est d'abord un non-sujet absolu, car sa présence implique l'aphanésie du sujet. Ce qui caractérise cette relation entre sujet barré et petit a, c'est qu'il ne peut pas coexister, il ne peut pas être dans le même lieu simultanément, parce que le sujet là disjoncte, et en fait c'est l'aphanésie, il ne peut pas y être. Hein, on a déjà parlé dans le thème de la littérature, c'est le thème du double, hein, pas rencontrer votre double, sinon vous mourrez sur place, vous êtes pétrifié. Donc, on peut dire que l'objet petit a, c'est un terme hegelien, c'est la détermination oppositionnelle du sujet. C'est-à-dire c'est le sujet, mais qui apparaît sous la forme de sa détermination oppositionnelle, c'est-à-dire comme objet. Comme si c'était le bout de chair que le sujet doit perdre pour émerger comme le vide de la distance prise avec toute objectivité. C'est pour ça que le sujet lacanien, c'est pareil. Cet objet étrange, donc l'objet petit a, n'est autre que le sujet lui-même, mais sous le mode de l'objectivité. Donc ce que rate, entre parenthèses, par exemple, l'ontologie koyevienne, donc de Koyev, qui a fait l'initiation, entre autres, de Lacan, de Bataille, beaucoup de gens sur la lecture de Hegel, mais là, il passe complètement à côté. C'est là où Lacan dépasse très largement ses maîtres pour se retrouver justement dans les mêmes niveaux de logique que Hegel. On va le voir tout de suite. Donc, parce que ce qu'il n'arrive pas à concevoir, c'est ce sujet en tant que rien, que vide, que trou, dans la positivité du réel. C'est un trou, hein, on a vu. C'est parce qu'il manque insignifiant, mais ce manque-là, en fait, c'est déjà le signifiant du sujet en tant que manque. Donc, Lacan dépasse largement l'antagonisme entre l'explication et la compréhension. En fait, pas chercher à comprendre trop vite, Lacan, parce que sinon on ne comprend rien du tout. Le réel traumatique est la cause du sujet. Voilà. C'est le réel en tant que traumatique. Alors, de ce point de vue-là, pas comme le point d'impulsion initiale de la chaîne signifiante, on l'a vu, mais comme le chaînon manquant de la chaîne. La cause comme reste. C'est-à-dire, c'est un objet inavalable qui reste en travers de la gorge du signifiant. Un trou dans le réseau des signifiants. Alors ça, c'est une phrase de Lacan. Le sujet se voit causé par comme manque par A, par l'objet petit a. Donc on a une boucle de la cause posée par son propre effet qui fait de Lacan un pur hegélien, donc sur le plan logique, puisque ça, c'est vraiment c'est le côté indépassable de Hegel. Hein. C'est-à-dire que Hegel, en fait, pour Hegel, ce ne sont pas... Les gens s'imaginent qu'ils pensent, par exemple. Mais pour Hegel, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il révolutionne la philosophie et la logique, c'est parce qu'il explique que ce sont les idées elles-mêmes donc, qui vont, sur la base de notions, se combattre à travers les hommes. Donc il est déjà, lui, dans la prééminence, dans le primat du signifiant. C'est pour ça qu'on va retrouver cette logique de présupposition, hein, de performativité rétroactive du signifiant. C'est ça qu'il ne faut pas rater dans le réel hegélien. Alors, voilà, je reconnais que ce n'est pas facile. Hein, j'ai moi-même dû m'aider de notes pour arriver à dire cette chose-là. Tu as bien fait de prendre des notes. On pourrait peut-être faire un petit scan de cette belle écriture, quand même, cette belle écriture. Ben après, on pourra peut-être en reparler sur un mode plus illustratif, puisque justement, on va voir comment, avec la suite donc, de ce que Lacan dit dans la troisième, on va avoir un exemple très concret de cette chose-là. Enfin, très concret. Façon de parler, c'est Lacan. On écoute notre petite 10 minutes habituelles. Voilà, notre petite messe, on est dimanche, donc on y va. Ouais. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Revenons à faire ce que j'essaie. Il faut soutenir cette troisième du réel qu'elle comporte. C'est pourquoi je vous pose la question. Donc je vois que les personnes qui ont parlé avec moi, avant moi, se doutent un peu, non seulement je doute, mais même elles l'ont dit, et qu'elles l'aient dit, signe qu'elles s'en doutent. Est-ce que la psychanalyse est un symptôme? Vous savez que quand je pose les questions, hein, c'est que j'ai la réponse. Enfin, ça voudrait tout de même mieux que ce soit la bonne réponse. J'appelle symptôme ce qui vient du réel. Ça veut dire que ça se présente comme un petit poisson, hein, dont le bec vorace ne se referme qu'à se mettre du sens sous la dent.

Je ne sais pas par où commencer. Si je vais déjà faire une première remarque que j'avais faite, c'est-à-dire qu'au fond, c'est assez curieux que Lacan puisse dire que la psychanalyse est un symptôme avec une telle force, alors qu'elle a un discours. C'est-à-dire que si c'est un discours, ce n'est pas un symptôme, déjà. Et effectivement, disons même pas un an après, d'ailleurs, quelqu'un va lui poser la question et il va répondre « Je n'ai jamais dit que la psychanalyse était un symptôme », comme il fait souvent d'ailleurs. C'est le psychanalyste qui est symptôme. Mais enfin, à cette époque-là, il le dit comme ça. Alors, je dis un petit peu plus que ça, c'est qu'au fond, ça viendra vers la fin quand même aussi, c'est que comme il a élaboré un discours hystérique, ça veut dire aussi que l'hystérie n'est pas une névrose. C'est un discours. Et que la seule névrose que Lacan considère comme telle, vers la fin, c'est la névrose obsessionnelle. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisque, au fond, il dit que le discours hystérique, c'est un des piliers du discours de la science. Autrement dit, il procède, le sujet invente le savoir nouveau, à partir de son être de jouissance, c'est-à-dire il le paye du prix de sa peau. Hein. Et l'autre pilier du discours de la science, c'est le discours universitaire, c'est-à-dire que la science a actuellement un statut universitaire. Voilà, je voulais le dire déjà comme ça, et puis, je peux continuer. Parce que quand même, tu as dit beaucoup de choses, et que, évidemment, c'est... cet rapport justement de la causalité. Oui. Alors, il faut parler peut-être des quatre catégories de la cause chez Aristote, qui vont être reprises par Lacan à sa façon, en disant, bon, il y a une faille entre la cause et ses effets. En gros, c'est même pouvoir dire que la structure, on ne peut jamais l'écrire, la structure. On ne peut l'approcher et la cerner qu'à travers ses effets et les conséquences de ses effets. C'est comme ça que ça explique pourquoi Lacan, au fur et à mesure de son enseignement, a donné des élaborations différentes de la structure. Hein ? Il est d'abord parti des réseaux, ensuite les graphes, ensuite il a utilisé les objets meubiens, et ensuite il a utilisé le nœud borroméen comme étant la structure la plus appropriée pour lui, dans la mesure où il y avait un nouage entre les catégories du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Ça, c'est un point très important. Et ça n'annule pas du tout, chez Lacan, c'est pas du tout une succession chronologique, ça n'annule jamais ce qu'il a dit avant. Il le ramène tout le temps. Mais c'est important de voir comment il se déplace dans son enseignement, parce que c'est pas un monsieur qui travaille avec les livres, même s'il a beaucoup lu et même s'il travaille aussi avec les livres, c'est quelqu'un qui travaille à partir de sa pratique et qui n'arrête pas de le dire. Tout ça me vient de ma pratique, comme faisait Freud. C'est-à-dire que Freud était capable de foutre en l'air tout ce qu'il avait dit sur la paranoïa uniquement à partir d'un cas clinique. Il a publié un cas de paranoïa qui contredit la théorie. Alors, les catégories de la cause chez Aristote, c'est... par exemple, la cause formelle. Ça, c'est la science. On formalise l'idée qu'on a du réel dans la science, en gros. Hein. Voilà, ça, c'est une... elle symbolise, la science, les images qu'elle se donne du réel, en particulier à partir de l'ordinateur ou dans les IRM, des choses comme ça. On voit des images et on en fait des algorithmes et ça devient une façon de le symboliser. Ça, c'est la cause formelle. Il y a une autre catégorie, c'est la cause matérielle. Et la cause matérielle, elle est effectivement liée, c'est celle de la psychanalyse. Cause matérielle, ça veut dire que même si le signifiant, au départ, est de l'incorporel, d'une certaine façon, du fait de sa façon de venir, disons, coloniser le corps, en gros, ça lui donne ce que Lacan appelle une matérialité. Il joue sur l'équivoque de matérialité, enfin matérialité. Pour s'opposer d'ailleurs aux théories de la science, parce que le réel chez Lacan, ce n'est pas la matière, ce n'est pas la théorie des quantas. Hein. Le réel, oui, chez lui, c'est une catégorie. Justement, ce ne sont pas des théories, ce sont des raisonnements. Des raisonnements, oui. Théoria, c'est très important, c'est remonter à son origine, c'est une vision. Hein. Donc c'est une vision à partir d'une expérience. Donc c'est l'expérience qui est élevée à la hauteur d'une vision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mot théorie est employé à tort et à travers, comme la plupart des mots, comme étant ce qui s'oppose à la pratique. Ce n'est pas du tout le cas. Il ne peut y avoir théorie qu'à partir d'une pratique. Sinon, ce n'est pas une théorie, justement. Ce n'est pas une théorie, la science. Ce sont des raisonnements. Il n'y a pas de vision. Oui, d'accord. Tu utilises le terme à l'origine. Oui, oui. Moi, théoria, je l'utilise dans la vulgate ordinaire. Parce qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a des fois un usage conceptuel des termes. On peut même aller jusqu'à éventuellement aller dans l'étymologie, mais dans la psychanalyse, on ne fait pas d'étymologie dans la cure. Dans la cure, non. Le sujet, il parle avec les mots dont il dispose et qui ont le sens qu'il lui donne, lui, particulièrement, voilà, par rapport à ce qu'il dit. Contextuel, oui. Alors, bon, comme ça un petit peu quand même. Donc Lacan utilise de temps en temps les termes comme dans la Vulgate, et de temps en temps, il est, parce que quand il fait la différence entre sens et signification, c'est coton, hein, parce que c'est pas la même chose, et en même temps, il utilise dans le même sens de temps en temps. Alors, troisième catégorie de la cause, c'est la cause finale, c'est la religion. Et puis, la quatrième catégorie, c'est des catégories aristotéliciennes, et c'est la cause efficiente, c'est la magie, discours de la magie. Or, Lacan, au début, disait que le signifiant, il est interdicteur de la jouissance, au départ. Il fait halte à la jouissance, au départ de son enseignement. Et puis, il va changer de position, et il va en faire, justement, du signifiant, la cause des quatre causes, quatre formes de causalité. Il les reprend, hein. Elle est à la fois matérielle, efficiente et tout le truc. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis, moi, parce que je me paume un peu. Alors, parce que moi, je ne l'ai pas préparé. Hein, je n'ai pas préparé ça. Moi, c'est juste alors, hier les soir, catégories de la cause. L'effet du stress. Alors, oui, c'est ça. Un peu stressé. Et donc, alors, j'appelle symptôme ce qui vient du réel. Alors, voilà. Ça se présente comme un petit poisson. Ah, donc, voilà. Voilà mon petit poisson qui arrive. Voilà. Mon petit poisson qui arrive. Mais je vais juste vous faire une petite remarque. On reviendra peut-être après sur le symptôme. Mmh. Vous remarquerez qu'à Rome, d'une façon très curieuse, il situe le symptôme comme effraction du réel dans le symbolique. Voilà, ici. Hein. Ça, c'est comme, il le fait comme ça à Rome. Et puis, sans rien dire à personne, parce que c'est un monsieur qui fait beaucoup des choses comme ça, il change brutalement. Un peu plus tard, il va déplacer le truc. Il va faire, non pas que le symptôme est une intrusion du réel dans le symbolique, mais au contraire, une intrusion du symbolique dans le réel. D'où le petit poisson. C'est que le petit poisson, justement, symptôme, c'est celui qui mange le réel, hein, en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Alors, le petit poisson va me donner un peu l'occasion de faire une petite remarque sur la façon dont travaille Lacan, et qui est une chose tout à fait importante, parce que j'ai retrouvé le terme de poisson, il l'utilise assez souvent. Disons qu'il parle souvent de... il est embarrassé de quelque chose, donc du réel, en gros, comme d'un poisson d'une pomme. C'est vrai que les poissons, ils n'arrivent pas à manger les pommes. Ça, c'est en parlant de l'obsession. Hein ? C'est en parlant de l'obsession. Oui, mais en parlant d'autre chose aussi. Il est embarrassé de son euroméen, et je ne crois pas qu'il soit sur le registre obsessionnel, d'accord. Je le dis comme ça. Alors, première occurrence, qui est assez ancienne, le fameux petit poisson vorace, là, justement, c'est qu'il mange le réel, c'est ça que ça veut dire, en gros. Hein. Premier. Alors, d'ailleurs, juste une petite remarque, c'est que le traumatisme, c'est pas la rencontre, bien sûr que le réel est traumatique, mais c'est pas la rencontre d'un réel traumatisant au sens où on l'utilise actuellement, c'est au sens que ça fait traumatisme après coup à cause du signifiant. C'est le signifiant qui est traumatique. C'est pour ça que Lacan dit, on est des traumatisés du malentendu. Il n'y a pas de traumatisme à de la naissance d'une invention classique, un détournement du sens. On est des traumatisés du malentendu. Il y a des gens qui assistent à des événements effroyables et qui s'en sortent très bien. Ce qu'a dit Copernic et la résilience, c'est une chose tout à fait connue et archi connue. Mais, et puis il y a des gens qui, pour un mot seulement, ils vont faire une névrose qui vont trimballer toute leur vie. Hein? T'as dit Copernic plutôt que Cyrulnik. Ben voilà, j'ai fait un lapsus. J'ai compris. Oui, je voulais pas le lâcher, donc j'ai fait. Copernic, c'est quand même un autre niveau que Cyrulnik. Ce qui prouve que j'ai fait un lapsus. Ne confondons pas tout. Que je parle en position subjective. Voilà, je suis comme ça. Hein. Alors le petit poisson, je l'ai retrouvé, mais c'est tout à fait par hasard, hein, petit poisson. Voilà, ça c'est mes écrits sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Je peux même plus les utiliser quasiment parce que c'est bourré de notes. Et ça, il en parle une première fois dans ce texte qui s'appelle « Subversion du sujet et dialectique du désir », qui est un texte daté de 58, mais en fait qui a été publié, paraît-il, une première fois dans une revue, je ne l'ai jamais trouvé, qui est paru dans les écrits en 66 et qui a été réécrit plusieurs fois. Donc on ne sait pas très bien à quel moment il a arrangé son texte, même si de temps en temps il met des passages entre crochets, mais là ça y est pas. Alors il parle à la page que je l'indiquerai un peu plus tard, en gros, à propos de le petit poisson comme la cellule élémentaire du graphe. Je peux y aller, non? Tu me surveilles? Je regarde la page 805, je crois. En fait, il en parle à propos de la cellule élémentaire qui est, donc j'ai préparé ce qu'il fallait pour le dessiner là, où je dessinais, comme on le faisait habituellement, comme je l'avais fait. Vous avez une chaîne signifiante comme ça. Hein. Donc, S, comment il l'écrit, lui? Bon, S, esprit. Vous voyez, là, il y a une chaîne signifiante et l'intentionnalité du sujet, le fameux chasseur dont j'ai parlé l'année dernière, son intentionnalité, elle va dans ce sens-là. Il rencontre le lieu de l'autre et donc, quand il va vers sa proie, ben, il en est détourné par les traces signifiantes et il se retrouve ici, le chasseur. Et ça, vous voyez comment il y a une espèce d'hameçonnage, disons, de la bête, hein, en gros. Voilà, c'est la figure, et voilà ce que je dis. Alors, à chaque fois, bon. Donc, ce schéma-là, c'est une face. Lacan le dit de cette façon-là. Il le dit, la chaîne signifiante est censée être supportée par le vecteur S'', ce que je vous ai dit là. Sans même entrer dans la finesse de la direction rétrograde où se produit son croisement redoublé par le vecteur delta S barré, ici, que seulement en ce dernier l'on voit le poisson qu'il croche, moins propre à figurer ce qu'il dérobe à la saisie en sa nage vide que l'intention qui s'efforce à le noyer dans le flot du prétexte, à savoir la réalité qui s'imagine dans le schéma éthologique du retour du besoin. Autrement dit, il est en train de dire que tous nos besoins sont contaminés par le langage et qu'on n'a jamais accès directement. C'est ça que ça veut dire. C'est tout simple. Et d'ailleurs, dans cette grave du désir qui est pris là, vous verrez que par la suite, celui-ci qui était le sujet du besoin, il va faire basculer que le sujet est à l'origine et que à la sortie, il va trouver ses identifications à l'autre, au signifiant qu'il trouve dans l'autre. C'est cette bascule qui va se produire. Bon, voilà un premier truc. Mais bon, moi, je voulais simplement que vous reteniez le terme de poisson. Ensuite, on arrive avec ce poisson. Alors, où est-ce que c'est mon autre occurrence? Ah oui. Donc, à cette époque-là, il introduit déjà le terme de jouissance phallique, qui est un terme qui... Ça veut dire simplement... La jouissance phallique, c'est la jouissance du blablabla. On parle, blablabla. Il y a de la jouissance là-dedans. Et on jouit parce que ça... On jouit tout simplement parce que le signifiant, il est incorporé, quoi. C'est une jouissance du corps, mais qui est déjà civilisée par le signifiant. C'est ça, la jouissance phallique. Hein, ça, c'est un premier point. Et voilà pourquoi Lacan dit... qu'on ne peut le suivre sans passer par ses signifiants. C'est-à-dire que vous trouvez le poisson en 58, vous le retrouverez en 2002, dans les, en 1972, dans l'étourdi 2002. c'est... Moi, de temps en temps, je me perds un peu dans les dates, parce que de temps en temps, il y a des... Bon. On le retrouve dans 72, justement dans l'étourdi, où il parle beaucoup du poisson et de la pêche. Et on le retrouve ici, vous voyez le poisson. Alors, quand on écoute ou quand on lit Lacan, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut que vous repériez les choses que vous entendez, qui sont souvent d'ailleurs des malentendus. Et les malentendus, il faut essayer de les enfiler, essayer de repérer. Moi, j'ai des types de malentendus qui ne sont pas ceux d'un autre et tout. Et vous voyez comment ça se suit et que lui-même, c'est comme ça qu'il fait son séminaire. Hein ? C'est pas un discours ordonné avec sujet, verbe, complément. Il suit sa propre pensée et il abole ça. Voilà une façon d'illustrer ça. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette fois-là. J'ai encore d'autres petites choses à faire, mais on va en reparler. Encore. Ouais. Tu pourrais un petit peu me relayer là, parce voilà, que, alors, voilà. Bon, moi, sur ton travail quand même, hein, qui demande. Non, eh ben, moi, c'est le poisson, je l'avais perçu comme le sens de la condensation lacanienne pour justement la parabole de la multiplication des poissons dans la Bible. Parce qu'il fait appel aussi, donc là, à Hegel et à la logique du maître d'esclave, avec son nartrag. Le nartrag, donc, c'est l'après-coup, et l'après-coup, vous avez vu que c'était la condition même de la saisie, de la cause, qui ne peut être perçue que par ses propres effets. Donc, l'objet petit a, il est anamorphique, on ne peut pas le saisir en tant que tel, mais par ses effets dans la cause signifiante, puisque le réel affecte la cause signifiante, on peut remonter, et là, il y a quelque chose de très théologique, justement, dans cette multiplication des poissons, donc, puisque il utilise, il fait une espèce de condensation en disant que l'esclave aurait eu le bonheur d'être chrétien du temps du paganisme. Alors, voilà. Ça, c'est très intéressant. Tu peux en dire plus là-dessus, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui, je ne me souviens jamais de ce que je dis, donc je vais essayer de retrouver maintenant. Oui, parce que, justement, c'est la trinité chrétienne, hein, donc c'est l'impossibilité du 1, donc dans le 3, donc comme dans la troisième, et en fait, on peut dire que le Père, c'est de l'ordre du réel, le Fils, de l'ordre de l'imaginaire, et le Saint-Esprit, de l'ordre du symbolique. Donc, il y a comme ça qu'on peut entendre vraiment la trinité chrétienne. Tu mets le Fils du côté de l'imaginaire. Oui. Oui, je pourrais revenir là-dessus, hein. Mais c'est quand même un peu long, parce que c'est un développement théologique. Mmh. Mais ce que je voulais dire, c'était que... je ne sais plus ce que je voulais dire. Je t'ai coupé la parole. L'esclave qui est déjà chrétien. Oui. Donc, ce qui est quand même un peu. Donc, parce que ce qui caractérise, merci. Ce qui caractérise vraiment comme on le voit dans Saint Paul, justement, de la dimension symbolique de Saint Paul, qui est vraiment le fondateur de l'universalisme, c'est que le fait marquant, c'est la résurrection du Christ. Voilà. Mais la résurrection du Christ, justement, elle n'est pas, il ressuscite pas dans une autre personne, le Christ. Sa résurrection, elle est dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, en fait, le Saint-Esprit, c'est la communauté des croyants. La communauté, c'est l'ordre symbolique lui-même. Donc, ce qui veut dire que l'esclave, du moment qu'il a accès à l'ordre symbolique, il peut devenir sujet, alors qu'auparavant, il n'est pas sujet. Il n'est même pas considéré comme humain. Donc, le fait qu'il y ait un ordre symbolique, c'est-à-dire un grand autre, lui permet de se subjectiver. C'est pour ça que Lacan dit à ce moment-là, voilà, il avait la chance d'être chrétien au temps du paganisme. Parce que pour les Grecs anciens, il n'y avait pas justement ce registre. Il n'y avait pas encore le dégagement de l'ordre symbolique comme grand autre. Voilà, de langage considéré comme l'autre. Alors, c'est très surprenant le statut qu'il donne à l'esclave, lui, parce que on n'a pas l'habitude d'entendre ça. L'esclave, c'est le pompon, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. En fait, évidemment, il dit qu'il est dévolu à la jouissance et que c'est pas forcément c'est pas forcément si bien que ça, quoi. Mais comme il est dévolu à la jouissance, ça veut dire qu'il reste en vie par rapport au maître. Oui. Le maître, c'est la lutte de pur prestige. Voilà. Hein, et donc, oui. C'est un con, quoi, en gros. C'est le con. Hein. Oui, oui, alors, non. Quand on parle comme ça, il dit que c'est un con, le maître. Hein. Certainement, mais il n'empêche que c'est celui qui se confronte à la mort, tandis que l'esclave n'y va pas. La mort, la lutte de pur prestige. Oui. Dans la définition, je parle pas du vrai maître qui existe de temps en temps, très rarement. Oui. Je parle de la conception lacanienne. Bien sûr, bien sûr. Hein, c'est le type qui est le premier sujet du discours du maître. Voilà, qui est le premier. Il s'assujettit au discours du maître. D'ailleurs, des figures de maître dans l'histoire, on voit très bien que, par exemple, chez nous, nos hommes politiques qui se prennent pour des maîtres, vous voyez bien ce que c'est, hein, c'est des centimètres en gros, c'est des contre-maîtres. Tandis que un vrai maître, c'est celui qui justement est le premier à s'assujettir au discours qui le conditionne comme maître, alors qu'il est capable de suivre les mouvements même de son peuple pour essayer d'intervenir. Justement, d'une façon juste, donner les interprètes. Périclès. Ou qui fait, voilà, Périclès. Acte d'interprétation. Ouais. Alors, c'est une citation que je ne suis pas arrivé à retrouver, et il est impossible que j'aie inventé cette référence, parce que je ne connais pas bien Périclès, même pas du tout, pratiquement. C'est que Lacan a raconté ça. Alors, où est-ce que j'ai pu... Est-ce qu'il aurait dit ça à un séminaire, peut-être, où j'étais, mais ça n'a pas été noté. Je ne je peux pas le savoir. J'ai cherché, j'ai pas retrouvé. Il raconte, il dit que il donne dans la figure de Périclète une figure qui anticipe l'analyste, comme Socrate d'ailleurs. C'est des figures antiques qui anticipent la position de l'analyste. Alors le maître Périclès, dans la cité, il est en train de comprendre que la flotte perse est en train d'arriver par le sud, le long des côtes grecques, et qu'il va y avoir une invasion par les Perses. Ils sont très puissants, très bien armés. Il décide de donner l'ordre à la flotte grecque, galère, tu sais, de partir à telle heure du jour, en fonction de ces deux, au moment du coucher du soleil, et au moment où le vent est un peu plus favorable à la flotte grecque, qui est moins importante que celle des Perses, de façon à les éperonner par le côté. Il donne à l'heure juste. Et Lacan dit que cet ordre qu'il donne, il est dans le réel. Et c'est ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'effectivement, les Grecs vont vaincre la flotte perse et vont retarder l'invasion future qui viendra peut-être après. Voilà ça. Il le situe comme son ordre, c'est une interprétation dans le discours. Voilà, voilà, c'est une interprétation qui est juste et qui touche au réel. Voilà, je vous ai donné comme ça. C'est important, ces figures du philosophe comme anticipant l'analyste et du maître, figure de maître très spéciale. Voilà, je voulais vous dire ça. Donc dans ce rapport au réel, le sens du symptôme, donc parce que c'est ça quand même... C'est le réel. Voilà. Et du sens du symptôme dépend l'avenir du réel. Voilà, alors ça c'est encore un autre point. Voilà, ça c'est un autre point important, puisque ce qui demande à la psychanalyse, c'est de nous débarrasser du réel et du symptôme. Si elle succède, donc, normalement, on devrait être débarrassé du symptôme et du réel. Mais elle prend la voie de l'échec. Pardon ? Oui, mais là, c'est vraiment bien. Bah oui. Si vous guérissez quelqu'un, il ne vous nourrit plus. En gros. Hein, c'est la façon de dire ça, non ? Un peu, non ? Ben, c'est entre autres, oui, puisque il est quand même assez dur, mais... avec les psychanalystes, hein, puisque en fait, ce sont les psychanalystes, le symptôme, qui croissent et se multiplient. Quand même. Ça fait penser quand même, c'est une métaphore bien connue, hein, du cancer. Ça croît et ça se multiplie. Absolument, on ne peut pas les contrôler. Hein. Et c'est justement, ça tient à cette méconnaissance du réel comme cause, justement. Hein. On est dans une confusion du réel et de la réalité, comme on l'a vu l'autre fois. Donc, le psychanalyste, lui, doit être dans une possibilité, comme le fait Patrick, donc d'être au service du discours analytique. Le service du discours analytique, le plus souvent possible, se mettre au service de ce discours-là, c'est essayer de s'y tenir dans son éthique. Donc, évidemment, ça n'invalide pas les autres discours, comme va le dire Lacan par la suite, mais ça demande, c'est une exigence particulière, hein, qui demande un effort sur soi. Donc, voilà, je trouve que Lacan, il est bien dur et c'est, ça fait du bien, hein, par les temps qui courent, notamment où la psychanalyse part vraiment dans tous les sens, enfin la soi-disant psychanalyse, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse à mon avis. Alors juste un point que je voudrais reprendre là. Oui. Sur Marx peut-être ? Non, après on... Non, sur ce point-là, du rapport de la psychanalyse au réel et par rapport au discours. Oui. Bon, on voit maintenant, je trouve ça très curieux, des tas de gens, en particulier, surtout des universitaires qui enseignent, qui considèrent que, après tout, la psychanalyse serait une discipline parmi les autres. Psychanalyse et anthropologie, psychanalyse et littérature, psychanalyse et art, psychanalyse et musique, et tout ça, ça tourne en rond comme ça. Et gratin dauphinois. Mais ça va plus loin. C'est au nom de quoi? Parce que ça, c'est des thèses qui sont développées par des tas de gens. Je ne vais pas citer de nom. Je me le garde pour plus tard. Non, mais je me le garde pour plus tard. Ce nom-là en particulier... C'est quand même quelqu'un qui s'appelle Castel. Après tout, je vais donner son nom. Mais je vous donne son nom parce que c'est pas le Castel d'avant qu'on a connu, nous, qui parlait du psychanalysme, déjà, qui pointait le côté isme, hein, le psychanalysme, qui était cette extension dans le monde d'une vision psychologisante des faits politiques, en gros. Donc, en gros, ils vous disent, oui, il faut que la psychanalyse s'adapte, parce que maintenant, il y a des formes de symptômes nouveaux, et que donc, il faut qu'elle mette, ça suffit, la psychanalyse pure, et tous ces trucs-là, il faut quand même qu'elle s'aménage, et donc, forcément, il faut qu'elle fasse alliance avec la psychothérapie. Hein? Voilà. En gros, ça se dit comme ça. Et donc, l'enseignement de la psychanalyse à l'université, dans des départements de psychologie, ça fait quand même problème. Hein? Ça fait quand même problème. Juste, j'insiste pas là-dessus. Et alors, voilà, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que comment la psychanalyse serait en retard sur le malaise de la civilisation et sur ses causes, alors que justement, nous, on a affaire à des gens qui viennent nous voir parce que ce sont les premières victimes du malaise de la civilisation. Hein. Ils viennent nous voir parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Et Lacan utilise bien la métaphore de la psychanalyse comme un poumon artificiel pour que ça puisse respirer un peu, hein, pour retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. Il ne dit pas à un seul sujet, il le dit à l'ensemble des sujets que nous sommes. Il le dit comme ça. Et on ne peut quand même pas dire que ce texte ne prouve pas que Lacan, il est très en avance sur les faits sociétaux, comme on les décrit maintenant. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, les faits sociétaux. Mais enfin, c'est comme ça. Il y a des faits sociétaux. Quand il pointe que la religion, retour de la religion, triomphe de la religion, on y est là, hein, on y est. Le capitalisme... Mais peut-être là, on peut faire une incise. Donc justement avec le réel, vas-y, c'est que le triomphe de la religion, c'est le triomphe du sens. Ah oui, mais justement, je vais en parler. Ah bon? Je vais en parler. Bon, ça, alors tu m'as coupé maintenant. Pardon. Alors où j'en suis, moi? Bon, anticipation. Hein, anticipation quand même des effets du discours capitaliste à l'époque, parce que quand il nous avait sorti ça à Rome, on est tombé sur quand même renversé quand même. Quand il nous dit seul symptôme social, c'est tous prolétaires. Quand il s'amène à dire ça à une tribu d'analystes qui sont quand même des bourgeois. Pas trop dans la difficulté financière, quand même. Les analystes étaient des gens, d'une façon générale, qui étaient plutôt pas du côté du prolétariat, surtout qu'on sortait de mai 68, la révolution culturelle, mais ils balançaient tous prolétaires. Hein. Et au sens marxiste du terme, au sens clair que prolétaire, c'est pas forcément l'ouvrier, c'est celui qui n'a plus de discours pour faire lien social. C'est-à-dire que c'est bien ce qu'on voit avec le capitalisme. Nous n'avons pratiquement plus de liens sociaux pour nous accrocher aux autres. Alors, la psychanalyse, elle préserve son truc parce que la cure est une pratique d'un lien social à deux, mais c'est le seul qui est comme ça. Ailleurs, on se cramponne comme on peut, on essaye d'établir des liens sociaux. Alors, voilà le truc qui se passe. L'avenir dépend du réel qu'invente la science. C'est ça le truc. Et donc ce réel-là nous devient de plus en plus insupportable et, comme on le dit, traumatique. C'est ça, c'est celui-là le réel traumatique. Il y en a trop, on ne peut plus, quoi. Ce que fait la religion avec le réel que produit la science, elle lui donne du sens, comme il le dit, elle le sanctifie. C'est-à-dire que maintenant, la procréation, par exemple, médicale, ça y est, la religion l'a admis, lui donne un certain sens quand même, elle accepte toutes ces choses-là. Elle lui donne du sens, et la psychanalyse, elle a affaire entre les deux, à la fois au réel traumatique que produit la science, et en même temps aux symptômes dont le sens est réel, mais qui sont quand même du semblant, hein, qui sont des semblants. Elle a affaire à ces deux trucs-là. Elle est prise entre les deux. Et évidemment, elle ne procède pas de la même logique. Ça, c'est une nouvelle théorie des discours chez Lacan, qui apparaît petit à petit. Ce n'est plus les fameux quatre discours comme mathème, intégralement transmissible, qu'il est en train de laisser tomber, surtout à partir de cette période-là, pour avancer sur les nouveaux discours que sont celui de la religion, de la science et de la psychanalyse. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà, pour l'instant, pour cette explication, sinon je peux partir dans tous les sens. Je préfère m'attemponner là. Bon, ben soit ça fait une heure, donc soit on... Alors parlez, ou bien vous prenez le micro, ou bien on... Non, mais c'est pas la peine, on entend bien. Je pense qu'il capte bien d'ici. Oui. En fait, pour rebondir sur deux lapsus qui me paraissent quand même qui m'ont amené à rêvasser un petit peu, celui de Copernic et celui de 2002. Et en fait, en liant cela à ce qu'on disait de l'esclave qui n'aurait eu accès finalement à une subjectivité qu'à partir du moment où il était chrétien, Trinité, je me posais la question, et de ces anciennes figures qui anticiperaient la position d'analyste, hein, Socrate, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aurait pas eu de psychanalyse sans Copernic et sans Darwin? Et je pensais, 2002, ça m'a fait penser aux deux tours jumelles. De 2001. Moi, je vous dirais pourquoi 2002. Voilà. Et en l'occurrence, j'aurais été très, très curieux de savoir ce qu'aurait pu dire Lacan de cet événement-là et de la déflagration que cela représente en termes de, justement, pourquoi pas, de traumatisme dans le signifiant et dans la manière dont ça a pu être repris, tenter d'être repris de par le monde et par tout un chacun. Septembre 2001, Lacan est mort depuis 30 ans. C'est l'anniversaire de la mort de Lacan, 30 ans avant, déjà. Alors mes lapsus, parce que les lapsus m'appartiennent, donc je vais... 2001, 20 ans. 20 ans, en plus, voilà, je fais encore un nouveau truc. Non, mais c'est le centenaire de sa naissance, voilà pourquoi je fais, une fois de plus, j'essaie de me repérer dans ces choses-là. Alors, pourquoi je fais le lapsus sur Copernic par rapport à Cyrulnik? C'est très simple, c'est parce que c'est pas la révolution copernicienne qui m'intéressait vraiment, parce que c'est l'histoire de la Terre... qui tourne, c'est l'héliocentrisme, qui était déjà quand même un peu perçu par les marins à l'époque. C'est plutôt Galilée qui est déjà, avec ses lunettes, s'aperçoit que la Terre est ronde. Donc c'est parce que moi je pensais à Kepler. C'est que ça ne tourne pas, ça tombe. Hein, que les trajectoires des astres, c'est elliptique, asymptotique entre eux. C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus, moi, de confusion. Et puis 2002, je peux pas vous le dire. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Donc je me le garde, parce que qu'est-ce que c'est que ça? C'est une manifestation. Il n'est pas interdit de se ressaisir. Non, mais vous pouvez vous interroger chacun là-dessus. Pour moi, c'est une manifestation de ce que Lacan appelle, dit que l'inconscient. il est réel. C'est une manifestation du réel qui fait effraction dans mon histoire, et c'est pour ça que c'est un lapsus chez moi, mais qui n'a aucune valeur subjective. Donc je ne peux pas en dire plus que ce que je ne veux pas vous dire. Sur les tours jumelles, le côté spectaculaire de l'histoire, en fait, c'est peut-être une manière de se représenter la jouissance dans ce qu'elle a de plus morbide, parce que bien que ce soit absolument horrifiant, on ne peut pas s'empêcher de le regarder et de le revoir en boucle comme ça, parce que ça a quelque chose de traumatique qui vient et on le repasse, etc. On revoit cette chose-là, c'est impossible à intégrer dans l'univers symbolique. Ça ne peut pas prendre de sens. Donc voilà, peut-être manière de dire comment. Enfin, moi je pensais aussi à quelque chose qui se réclamerait de la religion dans sa tête. C'est pas ça. Face à une réponse de l'empire du bien, enfin, il y a quand même quelque Non, ça je crois pas du tout. Parce que pour Lacan, la religion, c'est la religion catholique. Il n'y en a pas d'autre. Hein. La vraie religion, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la mise en place du système trinitaire. Et puis, c'est la possibilité de colmater tous les trous par un sens très précis. Donc c'est notamment le système symbolique qui va avec donc le Saint-Esprit. Et les autres religions, pour lui, ça n'en est même pas. Voilà, c'est la vraie religion. Il en parle très peu. Alors on peut s'y retrouver sur des formes d'influence, comme on voit l'analyse de Max Weber, des fondements du capitalisme dans la religion protestante, par exemple, ou des choses comme ça. Mais pour lui, l'aspect vraiment religieux, c'est la concurrence à la psychanalyse. En fait, la psychanalyse n'a qu'une seule zone de concurrence, c'est la religion elle-même. C'est pour ça que dans l'interview préalable à cette conférence de Rome, il en parle aussi de manière très précise. Et là, il ramène ces éléments aussi religieux, la vraie religion qui pourrait triompher, etc. Parce que elle va même sur... C'est même pas tant que l'Église accepterait la procréation assistée ou je sais pas quoi. C'est que du moment que ça s'intègre dans un discours, même négativement, ça fait partie de ce discours-là. C'est-à-dire que c'est le refus de voir le point de non-sens qui préside à la possibilité du sens. Donc de voir le réel comme traumatique. Parce que le réel comme traumatique demande, comme vous l'avez vu, un saut périlleux de l'esprit pour comprendre comment une chose ne peut être perçue qu'à partir de ses effets et reconstruite après coup. Et cependant, on est obligé de la présupposer comme étant dans notre capacité de se saisir de quelque chose. Donc ça demande un certain effort. Hein. La religion, elle va donner un sens, donc il va colmater les brèches. Hein. Alors que dans la psychanalyse, c'est justement le petit poisson, il se nourrit de sens. Si vous entrez, je ne sais pas, pour donner un exemple assez trivial, mais vous êtes peut-être affaibli ou je sais pas quoi, vous rentrez dans le rêve de l'autre, comme dit Deleuze, vous êtes cuit. Donc on va vous dire, voilà, tel symptôme c'est ça, etc. Vous rentrez là-dedans, vous allez développer à fond le symptôme, parce que vous allez le nourrir de sens en permanence. Donc la psychanalyse, par le jeu de l'équivoque, permet de faire dérailler l'automaton de la même manière que le réel lui-même fait dérailler l'automaton. Donc on va retrouver le fait de faire dérailler cette chaîne signifiante pour se réapproprier des effets de sens qui sont liés au sujet lui-même et non pas à un sens commun. Alors que le religieux, c'est de donner un sens commun à tout. C'est pour ça que le religieux est forcé de triompher à tous les coups. Hein. Oui. Je voudrais poser une question. Oui. Elle parle plus fort, Marie. Oui, alors, parce que tu as utilisé deux fois la référence à l'anamorphose. Oui. Et évidemment, quand on parle d'anamorphose, on a tout de suite les ambassadeurs d'Holbein qui viennent. Et quand même, dans ce tableau, on devine quand même une forme de ce qui est représenté, même déformé. Alors que l'objet A, j'ai le sentiment qu'on ne peut jamais avoir accès même à quelque chose de déformé. Il y a quand même du déchet, quand même. Justement, j'aimerais bien que tu précises. Disons, c'est effectivement difficile à exprimer parce que si tu as tu as déjà plusieurs lectures du tableau des ambassadeurs d'Holbein. Et à partir de là, tu as l'impression que tu pourrais deviner la forme qu'il y a. Mais par rapport à l'époque où ce tableau est créé, qu'il y ait cette forme oblongue comme ça, c'est absolument impossible à deviner la forme qu'il y a. Hein. C'est-à-dire que c'est juste que cette forme-là présuppose qu'elle pourrait, cette anamorphose, donc ce côté informe, pourrait prendre forme pour un sujet particulier. Mais qui se place à une distance particulière et qui est muni d'un dispositif particulier pour le décrypter. Ça, c'est la condition même de l'analyse. Voilà. Est-ce que ça serait pas une sorte d'ombilique, pour l'ombilique du rêve, ça serait un ombilique dans le tableau. Voilà, ça permet de ramener, disons, la notion de réel de l'objet A en tant que reste et aussi de jouissance. Donc on peut se ressaisir justement de ce côté de la bande de Möbius. C'est pour ça qu'il invente la topologie, hein, parce que la différence entre intérieur et extérieur doit déjà se trouver dans la limite inhérente. Donc c'est très difficile à expliquer. Et évidemment, la bande de Möbius lui permet de mettre en scène cette différence-là sur un seul... On ne change pas de côté, voilà. Alors justement, à propos de nourrir le symptôme de sens, on peut l'illustrer par la façon dont certains pratiquent avec les enfants, par exemple. Ça se voit de plus en plus. Quand un enfant fait un dessin, souvent, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi il faut qu'il fasse des dessins tout le temps, d'ailleurs on leur donne une feuille de papier et puis ils dessinent. Forcément, c'est faire un peu autre chose. Parce que pour moi, le dessin, l'enfant quand il dessine ou quand il joue, ça remplace le divan. Hein, association libre, vous voyez, comme ça. Et, ça lui permet de voir un petit peu ce qu'il fait l'autre, là, qu'il écoute. Déjà, ça serait un premier point. Mais son dessin, il ne faut pas l'interpréter. Parce que si vous dites, t'as dessiné, t'as dessiné, c'est ta grand-mère. Bon, c'est pas trop grave, parce que sa grand-mère, il sait qu'elle n'est pas comme ça, de toute façon. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire la fois suivante? Il va vous dessiner la grand-mère. Il veut se faire aimer, il a besoin de se faire aimer. Hein, donc, il faut faire très attention. Ça entretient le truc. Par contre, si vous pouvez le regarder, son dessin, pourquoi pas. Mais si vous attendez qu'il vous en parle... peut-être vous allez découvrir des choses. Et son dessin, une fois qu'il a fini la séance, vous le prenez, vous le gardez. C'est fini, il l'emmène pas à la maison, parce qu'il ne montre pas ce qu'il a dit à sa maman ou à sa famille. C'est chez vous, dans un dossier ou d'un truc. C'est fini, la fois suivante, il en faudra un autre. Hein? Donc il va très vite s'apercevoir qu'il n'est pas transparent. Et que ce qu'il dit de son dessin... c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'il va s'apercevoir, vous écoutez ce qu'il dit. Il va se mettre à parler. Alors que si vous êtes toujours sur ses dessins en train de lui dire ça, ça, ça et ça, comme ça se pratique beaucoup, vous lui faites de la suggestion et il ne fait pas sa cure. Il fait autre chose, il fait une psychothérapie de je ne sais trop quoi, mais ça ne l'emmène pas forcément très loin, alors qu'il a des dispositions pour aller beaucoup plus loin. Voilà. Pour revenir au côté anamorphotique, sans utiliser le référent habituel qui est les ambassadeurs d'Holbein. Il y a donc dans Psychopathologie David Cousinienne ou 5 psychanalyses, je ne sais plus, donc j'avais cité dans la deuxième ou troisième séance la dame qui s'arrache un petit bout de peau sur l'ongle. Donc ça crée une tache. Cette tache-là, une tache de sang, elle arrive, elle en parle en analyse. Cette tâche-là, c'est non pas l'objet petit a, mais ce qui suppose comme côté d'anamorphose qu'il y ait un regard extérieur capable de remonter le fil du sens. Et effectivement, comme elle est avec Freud, lui, il l'a fait parler et elle remonte le fil du sens. Donc, c'est pas seulement sur le mode, de la représentation picturale et de la chose convenue. C'est-à-dire que c'est la notion que c'est quelque chose qui est, du point de vue de l'autre, comme une possibilité de se raccorder au sujet. Voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas substantiver l'objet petit a. Hein? Donc on ne peut pas... Par contre, quand Lacan fait le nœud borroméen et qu'il dit que l'objet petit a, on l'obtient par coinçage, là, on objective quelque chose, là, on touche à quelque chose. Au moins, on peut assister au phénomène que ça se coince et que c'est des formes de l'objectita qui a une face tournée vers le réel, une vers le symbolique, une vers l'imaginaire. Voilà, c'est quand même un déplacement des choses. Hein. On ne peut pas le substantiver, mais en même temps, on ne peut pas non plus simplement en faire... c'est comme quand on parle de la pulsion un peu, hein, c'est pareil. Oui. Mais c'est à partir on l'attrape dans la grammaire du texte du fantasme, mais en même temps, on s'en approche quand même. En tout cas, il est présent dans la formule du fantasme. Oui, mais là, il est écrit sous forme d'une lettre. C'est pour ça que Lacan dit que c'est une lettre. Il le désigne comme une lettre qui n'a aucun autre sens que d'être une lettre. D'ailleurs, il dit, moi, la Bible commence par B, et moi, on m'a laissé l'objet petit A, on m'a laissé le A. Hein. Donc, il le revendique vraiment comme un truc à l'origine, c'est quand même assez drôle comme truc. Alors, à propos... Moi, je voudrais te poser une question, Patrick, aussi. Quand tu dis que la névrose hystérique n'existe pas, je trouve que c'est pas une névrose. Mais oui, mais j'aimerais bien que tu précises. Ouais, je ne peux pas le préciser. Parce que quand même... C'est là, c'est l'hystérie, c'est le... C'est le statut originaire, c'est le statut du sujet. C'est la condition du sujet. C'est la condition, c'est comme ça. L'hystérie, c'est la structure. Hein. En même temps, Lacan, il a quand même bien spécifié la question du désir hystérique, qui n'est pas le désir obsessionnel. Eh oui, mais ça, on entre dans des nuances qui sont pas du tout ce que je cherche à viser. Je parle au niveau de la structure, moi. Je ne parle pas au niveau des phénomènes de symptômes. Hein. C'est de la structure même. La preuve, c'est que quelqu'un qui vient voir un analyste, qu'il soit paranoïaque, obsessionnel ou hystérique, par exemple, parce que c'est les symptômes qui font venir quelqu'un en cure, qui en souffre, hein, ben, qu'est-ce qu'on fait dans les entretiens préliminaires ? Ben, on amène le sujet, petit à petit, à prendre une position de sujet divisé. Ça veut dire que on n'en fait pas un hystérique, puisque c'est la formule de l'hystérie, on en fait un sujet dont le discours est hystérisé. Hein. Moyennant quoi, l'analyste se met en tenant lieu de semblant de sa cause. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc quand je dis que l'hystérie, c'est pas une névrose, c'est parce que effectivement la structure du discours hystérique existe comme étant une structure de discours qui se distingue des autres discours. Hein. Pour ça, j'en ai parlé au niveau de la science. Alors, je vais reprendre... Attends, je peux te dire juste un troisième exemple qui me vient à l'esprit par rapport à la question de l'objet petit a. Un autre truc, c'est comment se raccorder au sujet sur un certain mode. Donc, la formule du fantasme, justement, c'est comment ça peut rentrer dans le fantasme, hein, dans le rapport avec le sujet. Donc, c'est dans Apocalypse Now, là, quand les soldats sont complètement... c'est vers la fin du film... ils sont perdus, dans pleine guerre, etc. Et puis, ils tombent sur les playmates, c'est-à-dire les filles qui posent dans Playboy. C'est-à-dire pour eux, c'est le truc c'est improbable, dans la guerre et tout, dans un avion. Et ils ne peuvent avoir des rapports sexuels avec elles que si elles se mettent dans les mêmes tenues que sur les pages de Playboy. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, l'objet petit a, c'est que pour qu'il y ait quelque chose, il faut qu'elle rentre dans la fenêtre du fantasme du sujet. Donc là, ça va être la tenue elle-même qui va faire qu'elles peuvent rentrer dans la possibilité d'être perçues par le sujet comme correspondante. Mais évidemment, le sujet s'absente là, puisque s'il y a consommation sexuelle, il n'y a plus de sujet. Non, mais au moins, ben, on ne va pas résoudre ça, mais je vais donner simplement une façon de te repérer. Lacan, à un moment donné, a évoqué qu'il aimerait bien être psychotique, hein, parce que ça lui permettrait d'être plus rigoureux. Puis il le regrette, il dit après tout, faut quand même pas exagérer, quand même. Et puis il se définit à la fin de son séminaire, il dit, moi je suis un hystérique parfait. Hein, je fais presque pas de lapsus. Quelques juste petites fautes d'orthographe, comme ça de temps en temps, quand il écrit à une lettre qu'il aime, vous ne saurez jamais combien je vous ai aimé. Hein, bon, voilà. Alors... C'était défini comme un hystérique parfait. C'est-à-dire que quand l'analyste n'est plus lui-même, alors je parle de Lacan, je parle de Lacan, bon, quand lui-même enseigne, il n'enseigne pas en position d'analyste, il enseigne en position d'analysant, c'est-à-dire de sujet divisé. C'est pour ça que pour le suivre, c'est très difficile, puisqu'il faut le suivre par ce signifiant, qui est une règle, en fait, qui est dite à l'analyste. Si vous voulez pouvoir faire les analyses, il faut que vous soyez, que vous suiviez votre analysant par ses signifiants. Et vous ne pourrez le faire que si vous-même vous êtes arrivé à un point qui est le vôtre, en principe comme analyste, capable de soutenir ce qu'on appelle le désir de l'analyste, que si vous êtes capable d'entendre la différence absolue de l'autre. Donc, pas de confusion quand on intervient dans le discours de l'analysant. L'analyste ne doit pas confondre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de transfert contre transfert. Il y a du transfert qui est surtout celui de l'analyste, hein, qui permet de faire avancer le patient. On avancera sur ta question un peu plus tard, mais bon, je voudrais juste terminer, enfin, pas terminer, mais dire trois choses à propos de ces rapports entre la religion, la science et la psychanalyse. Donc, référence au nœud borroméen qui est central, puisqu'on le reprendra aussi ici, nouage réel imaginaire symbolique important. Dans la religion, séminaire RSI, dans la religion, qui est ici, décrite comme ça, la religion, elle réalise, c'est par exemple le Christ qui va faire de son sang et du pain et du vin, il va en faire son sang et sa chair. Mais attention, ce n'est pas des représentations, c'est réellement, il consacre réellement, par sa parole, celle du Saint-Esprit, il fait une transsubstantation, c'est-à-dire qu'en gros, l'hostie et le vin, c'est vraiment son sang et sa chair. Hein, c'est dans la religion, c'est dans la religion. Donc il réalise ce qui du symbolique, ici, c'est-à-dire les paroles du Saint-Esprit, peut s'imaginer de Dieu, hein, comme étant l'ordre de Dieu, en gros. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, comme il y a une triplicité du Dieu, ben, il y a le Saint-Esprit, le Christ et le Dieu au ciel. Rotation, puisque c'est un nouage borroméen. Rotation, l'évogire du nœud, vous voyez, on décale d'un cran et on trouve S-I-R ici. Ça, c'est le discours de la science. Hein. Donc ça, ici, c'est la religion. Ici, c'est le discours de la science. La science, elle symbolise, donc elle produit des algorithmes, des images, elle symbolise, donc elle produit des images qu'elle se donne du réel. Il suffit de voir simplement en théorie atomique, on fait se rencontrer des atomes à grande vitesse, et puis ça donne des figures on fait des algorithmes et on avance comme ça dans le discours de la science. Symbolise des images qu'elle se donne du réel. Et la psychanalyse, elle invente, elle imagine, on invente des trucs, elle invente ce qui du réel peut se symboliser. Voilà, c'est ça le lien entre les trois, et c'est un lien qui est lié à la structure borroméenne qui est centrale. Je voulais simplement montrer que donc c'est des catégories très différentes. La science, la religion et la psychanalyse sont définies par des nouages borroméens qui sont différents, qui permettent effectivement des repérages. Hein, voilà. Nouvelle théorie des discours chez Lacan, c'est ça qui est c'est très important par rapport au fameux mathème des discours dont on n'est même pas sûr que ces discours-là fonctionnent maintenant. Peut-être qu'il n'y a plus de discours universitaire, il n'y a peut-être plus de discours du maître, il n'y a plus de discours, même hystérique, puisque c'est remplacé souvent par le discours de la publicité. L'hystérie est passée dans le collectif au niveau du publicitaire. Ah ben, comme ça, hein. On crée des rêveries collectives avec ça. Hein. Donc c'est quand même pas l'hystérie telle qu'on l'aime, quoi, en gros. Bon, nous, on fait éloge de l'hystérie quand même. Bon, l'hystérie, c'est ça, c'est pas. Voilà. Donc et peut-être que ça a disparu et qu'il ne reste plus que discours analytique, là, comme trognon, confronté avec le discours capitaliste, qui est un télescopage justement des trois autres discours. C'est-à-dire que le discours capitaliste, il est arrivé à télescoper la science, la religion et disons la maîtrise, quoi. C'est ça, c'est peut-être ça, on a affaire à ça. Pour ça qu'il fait là quelque chose par rapport à ce qu'il développe au niveau de tout ce prolétaire. Hein. Voilà. Donc il y en a des joies à explorer. Moi, juste pour l'anecdote, à propos des petits poissons, le poisson, c'est le symbole des chrétiens. Ils se reconnaissaient entre eux, ça faisait lien social, l'image du poisson, parce qu'à partir de la lettre grecque, Ictos, Jésus Christos, et que c'est cette lettre-là qui a donné l'image du poisson, qui faisait qu'ils se reconnaissaient entre eux en faisant des dessins de poissons. Et puis le poisson, on ne l'attrape pas par la queue, hein. Il est vorace. C'est pas comme le, c'est pas comme les oiseaux, on met du sel sur la queue, tandis que là, hein, on l'attrape pas par la queue. On le pêche. Je voudrais savoir. Attends, il vas-y. Parlez fort. Hein, si vous pouviez nous préciser l'impact théorique entre les faits de penser que le réel peut intervenir dans le symbolique. Et l'effet de penser que le réel colonise le symbolique. Non, c'est le symbolique qui colonise le réel sans pouvoir en venir à bout. Mais dans un premier temps, c'était l'inverse. C'était le réel. C'est ça. C'est la question d'un des schémas à l'autre. Quel est l'impact théorique et... Ça, c'est le schéma de Rome. Non, mais je l'ai mieux que ça. Je ne vois pas pourquoi je ne le mets pas. Mais... Voilà, ça c'est le schéma de Rome. Lacan, il espérait, à Rome, il le dit, il espérait qu'au fur et à mesure des interprétations, on arriverait à se débarrasser du symptôme. Vous voyez ? À force de l'interpréter, on le réduirait et on pourrait, comme il le dit, le dissoudre dans le réel. C'était comme ça qu'il le disait à l'époque. C'était déjà plus ça, mais c'était comme ça qu'il le disait. Or, en fait, il dit que non, ben, parce que, au fond... Dans la psychanalyse, on n'est pas débarrassé de son symptôme, au contraire, il reste toujours. Par contre, on apprend à faire avec, c'est-à-dire qu'on prend suffisamment de recul, il est suffisamment épuré pour qu'un sujet puisse se débrouiller avec son symptôme. Ce qu'il appelle, lui, symptôme. Alors, forcément, il faut quand même piger ce qui s'est passé quand, dans toutes ces élaborations, quand même. Il faut toujours regarder en arrière et en avant pour pouvoir comprendre. Donc voilà, dans le discours, dans RSI, il restaure le truc, vous voyez la différence. Le symptôme, il l'avait mis là, mais lui, d'un seul coup, il le fait comme une entame de la vie, c'est-à-dire c'est ce qui explique que le langage colonise le corps en le parasitant. Il y a une entame là, et donc il le place de ce côté-là, c'est une intrusion du symbolique dans le réel. C'est ce qui explique d'ailleurs le trauma. Ce qui est traumatique, c'est bien sûr que c'est le réel, mais c'est un réel lié au malentendu même de son accrochage. Voilà, il faut qu'il revienne une deuxième fois. Voilà, il faut... D'accord, mais là, c'est une intrusion du symbolique. Là, oui. C'est un forçage, ce que Freud appelle les frayages. Alors qu'il faut y aller, inventer, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, inventer ce qui du réel peut s'imaginer, hein. Voilà. Il s'agit d'inventer, donc imaginer ce qui du réel peut se symboliser. C'est comme l'histoire de Freud avec Totem et Tabou. Pour inventer une origine, il invente le mythe du père de la Horde, qui n'existe pas, bien entendu, pour dire qu'au fond, le père, c'est qu'il est déjà mort depuis toujours, en gros. Hein. Ça vient aussi de ce qui n'est pas symbolisé, surgit dans le réel. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence, quand même, des deux statuts. Alors, ça va très loin, parce que voilà, par exemple, Lacan, au début de son enseignement, il est là, il situait le symptôme ici, comme une signification de l'autre. Et puis, petit à petit, bien sûr, donc vous voyez que le symptôme chez Lacan, il le prend à partir de Freud, il est causé par le fantasme originaire. C'est-à-dire que Freud renonce à sa neurotica, je ne sais pas, 1901, peut-être un peu avant, je ne me souviens plus, non plus tôt que ça, il dit que il n'y a pas de trauma originaire, parce que sinon il serait obligé de dire que les hystériques ont toutes eu des histoires avec leur père, et donc il change un peu de position. Il dit que c'est le fantasme, donc ce qu'il appelle, lui, ce qu'on appelle le fantasme originaire, et que dans la cure, on prétendrait reconstruire comme étant un fantasme fondamental sur lequel s'appuie le sujet. Donc dans cette figuration-là, vous voyez que c'est le fantasme qui est cause du symptôme, mais petit à petit, il va changer de position, il va faire remonter le truc-là, il va situer le symptôme ici, comme un nouage premier du symbolique avec le réel, qui est ici, et que ça change complètement de statut. Hein. Ça, c'est une signification. Le symptôme, il est ici. Et il est, le symptôme, il est cause du fantasme, et pas du tout le contraire. Et on a ça dans le schéma qui est ici. Voilà. Avec le symptôme ici, qui est noué à l'inconscient. Donc l'inconscient, on n'y a jamais accès. Il restera toujours l'inconscient, justement. C'est ça qui est très problématique dans les dernières années de l'enseignement de Lacan, qui disait, il posait la question, est-ce que l'inconscient est réel ou imaginaire? Alors il hésite, s'il est imaginaire, ça ne peut être qu'une supposition. Hein, c'est le fameux, ce qu'on appelle l'inconscient structuré comme un langage. Ce n'est qu'une supposition. Après, il va dire que non, il est bien réel. Et il le colle dans le réel ici, hein, puisque le réel, il n'est pas simplement là, il est autour aussi. Il le colle dans le réel. Donc, il change la position. Et ça, c'est irréductible pour chacun. C'est ce qui fait que nous avons tous, on s'accroche à un symptôme et on se débrouille avec dans la vie. Donc il ne s'agit pas de guérir, comme disait, pas de débarrasser de son symptôme, mais faire avec, apprendre à faire avec. Donc avoir suffisamment travaillé la chose pour prendre un peu de recul et savoir y faire avec. Alors c'est une phrase qui pourrait se développer, parce que savoir y faire, ce n'est pas un savoir-faire. Hein. L'artisan, il a un savoir-faire. Savoir y faire, c'est une autre opération du sujet qui n'est pas une opération de maîtrise, puisqu'il est toujours surpris par ses lapsus. Il s'arrange comme il peut, il les interprète comme il veut, mais il donne pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire d'interprétation sauvage. Parce que quand vous faites des lapsus, ça n'a pas de valeur. Les autres peuvent évidemment vous fixer dans un... Ça s'est produit d'ailleurs, parce qu'il y a des analystes qui se sont mis à interpréter les lapsus des hommes politiques et tout le tremblement, et que ça a des effets petit à petit. Non, c'est que tout ce que vous faites comme toute manifestation de votre inconscient, il vous appartient, c'est tout. Les autres, ce que disent les autres, c'est des suggestions, c'est pas, même si c'est des fois pas très loin de ce qui est vrai, mais en même temps c'est pas, ça tient pas la route. On ne dégage pas le sujet en il a fait un lapsus, hein. Il y en a un qui pratique ça comme ça, qui quand vous faites ça, il vous inflige la punition que vous avez fait un lapsus. C'est une punition. Alors qu'au contraire, ça devrait être une invention. Mmh. Voilà, bon. Lucien ? Par où commencer ? En fait, il me semble, dans ce que j'ai entendu des questions, par rapport en fait, à ce que j'ai dit auparavant, on tourne autour de quelque chose que j'aimerais essayer de dire. En fait, on est passé, pour ce qu'on a résumé un petit peu au début, là, ce qui s'était dit dans la séance dernière, qui était le passage de la conception herméneutique à la conception structurale, structuralisme et structurale, qui vient donc en fait de passer à finalement une vision progrédiente et de place fixe pour la cause et l'effet avec un vecteur direct entre les deux, à une conception qui peut être déjà rétrogradiente, mais enfin aussi où se poser la question en ces termes n'a pas vraiment de sens. Et puis après, on est passé de ça à la causalité signifiante, au fonctionnement rétrograde, la chaîne signifiante. Et de là, on est arrivé à l'objet petit a et à ses avatars par la figure du poisson. Puis ensuite, on a eu les questions sur 2001, sur etc. Ce qui me paraît un truc assez essentiel qui est au milieu et qui n'a pas été complètement, à mon avis, qui n'est pas sorti vraiment tel quel, c'est que ça a aussi un rapport avec ce qu'on vient de dire sur le passage du schéma de Rome et le rapport entre les deux, c'est-à-dire comment c'est possible de faire cette bascule entre d'un côté l'intrusion du symbolique dans le réel ou le contraire. Pour moi, la chose qui est au centre de ça, c'est le rapport qu'il y a entre le passage justement à cette vision purement structurale et à l'emploi de la topologie. Et pour moi, s'agit dans le rapport entre le manque et le trou, ce qui va devenir le trou dans la topologie. Alors, je vais essayer d'expliquer rapidement ce que je veux dire par là. Le principe du manque, on ne manque finalement que de ce qu'on n'a jamais eu ou qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire quelque chose auquel on a accès ou on a eu accès, on n'en manque pas vraiment. Et finalement, ce dont on manque, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Évidemment, on voit ici toute la dialectique du désir et de la demande, mais ça a un lien évidemment aussi avec la différence entre cause et donc l'objet de la cause, qui serait l'objet petit a, et la causalité qui est du côté des significations ou du mouvement de la chaîne signifiante, qui ne peut devenir, d'avoir des effets de sujet que quand ils croisent dans le graphe du désir l'intentionnalité du sujet qui est rétrograde. Mais alors, quel sens ça a par rapport à la chaîne signifiante? C'est que pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'il y ait quelque chose qui manque dedans, qui deviendra un trou après dans la topologie chez Lacan. Donc c'est ce signifiant qui manque, qui est à la fois le manque à signifier, mais où il y a également un signifiant du manque, qui est le phallus, hein, en l'occasion. Mais en fait, donc, voilà, c'est ce, du fait du passage ensuite, enfin, quand on passe à la topologie, je prenais une image, j'en ai parlé un peu dans le petit texte qu'on a mis sur le groupe de la troisième sur Facebook, qui est ce jeu, en fait, du taquin, qui est ce puzzle, où on a un cadre comme ça, on a des petites pièces qui se déplacent les unes par rapport aux autres autour d'un vide. Il faut qu'il y ait un trou. Exactement. Et en fait, c'est quoi ce trou? Ce trou, dans le réel, il n'existe pas. C'est-à-dire, il y a la figure, d'ailleurs, elle est complète. Quand elle se retrouve finie, le trou, il est à côté. Il n'y a plus de trou dans la figure. Il y a pas de... Par contre, qu'est-ce qu'il représente? C'est pour ça qu'il y a un lien avec le fonctionnement de la chaîne signifiante par rapport à l'intentionnalité du sujet. Il représente le fait qu'il y a des lois de déplacement des pièces. Et c'est une réification de ça, du fait qu'il y a certains mouvements qu'on peut faire, comme avec les quatre discours, comme avec le RSI, et d'autres qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il y a des lois qui organisent ça. Il n'y a pas de permutation directe possible entre les pièces. Et voilà. Et alors par contre, donc ça c'est si on le voit du point de vue structural, et la différence entre cause et causalité, mais après on peut imaginer aussi que ce manque, ou ce trou, voilà, on en fasse un trou. Au sens topologique du terme. Et là, la question est de savoir, et c'est là où c'est le lien avec les deux schémas, de savoir si il y a un trou au départ, c'est-à-dire il y a un vide qui donne structure de bord à ce qui l'entoure, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est qu'il y a une surface qui est telle quelle, qui aurait justement, comme les surfaces meubliennes, ni d'intérieur ni d'extérieur, qui, du fait de la façon dont elle est raboutée l'une à l'autre et dont elle fait, on pourrait dire, faire corps, au sens même du corps, pas de l'organisme, mais du corps, qui a cette structure de gants, de doigts de gants retournés, dont on parle Lacan, qui fait que ce vide, ça fait trou autour de ça. Et donc, finalement, ce qui était au départ plein, parce que le réel est toujours plein, devient un vide, et un vide nécessaire pour que ça fonctionne et que ça parle. Et finalement, c'est aussi ça. Il y a un autre endroit chez Lacan, il parle de la nasse, c'est l'obturateur qui est l'objet petit a qui vient, boucher prendre cette place. Voilà, exactement. Et finalement, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi il peut comme ça si facilement basculer de l'un à l'autre? Parce que finalement, c'est cette question-là. C'est de savoir, est-ce que le réel, c'est quelque chose qui, de lui-même, parce qu'il est réel, qu'il est plein, qui va faire trou, comme ça, qui va dans le symbolique, pour que le symbolique puisse exister, parce que sinon il n'est pas possible, il ne peut pas fonctionner sans ce... Ou alors est-ce que c'est le contraire, c'est du fait du lien entre le symbolique et l'imaginaire qui nécessite de façon structurale, et c'est pour ça que la topologie borroméenne et le nouage permettent de se rendre compte, ou est-ce que ça coince, qui fait que ça fait trou dans le symbolique. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, il n'y a pas une distance colossale, en réalité, entre ces deux schémas. Mais en fait, elle vient du fait qu'on passe, et pour moi, c'est le bloc central, c'est ça, c'est le fait qu'on passe du manque à la question du trou et du bord. Et après, Patrick évoquait la pulsion, et c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on conjoint une vision un peu... biologisante, etc., de l'époque de Freud et la vision structurelle, etc., c'est par la topologie, c'est-à-dire de dire bah, pourquoi ces zones érogènes, par exemple, elles sont si impliquées dans la vision, c'est bah, parce du fait de leur structure de bord par rapport au réel. Enfin, voilà, c'est ça ce que j'essaie de vouloir... C'est très clair. Oui, mais oui, c'est oui. Dans la question. Non, façon... c'était une remarque par rapport à effectivement les deux versants par lesquels on peut aborder la chose. Mais il n'y a pas un réel à l'origine sur lequel le symbolique viendrait intervenir. Parce que, quand même, nous sommes des êtres de langage depuis toujours. Le langage, il est là depuis toujours, mais on n'en connaît pas l'origine. Donc, on traite de ça toujours avec le matériel symbolique. On ne peut pas faire autrement. L'être humain, il fait ça tout le temps. Alors, dire le réel plein, oui, mais il est sans fissure, mais qu'est-ce que c'est? Il n'existe, parce que c'est pour ça, il existe le réel, parce qu'il y a du symbolique. Il existe au symbolique. C'est pour ça que Lacan l'écrit avec un EK. Existe. Il est hors du site du symbolique. Il n'est jamais appréhendé par le symbolique, il y a toujours une séparation entre les deux. Je ne vais pas rigoler en disant que c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Mais c'est ça dont il s'agit quand même. Un bon exemple de ça, c'est de dire par exemple, il manque un livre dans ma bibliothèque, par exemple. Ah oui, ça c'est des formulations pour eux. Exactement. Alors, il manque à sa place, voilà. Il y a un trou dans la bibliothèque parce qu'il manque à sa place. Alors justement, par rapport aussi à ce que ça m'amuse beaucoup en ce moment de réfléchir à cette histoire du puzzle du taquin, ça m'a permis aussi de dire que ça peut être une bonne image aussi de ce qu'est la métaphore et la métonymie, en tout cas dans la Simon Lacanien. C'est le fait de dire, toujours par rapport à ce vide, qui est aussi le manque, le signifiant du manque ou le manque à signifier dans la chaîne signifiante, de dire que, par exemple, il y a deux façons de dire les choses, c'est de dire que une pièce ne peut occuper la place d'une autre qu'à se déplacer. Et ça, c'est une idée un peu de la métaphore. Ou alors, et c'est la même chose, et c'est là que ça permet de concevoir aussi le lien entre la métaphore et la métonymie, c'est de dire que deux pièces peuvent bel et bien occuper la même place, mais pas en même temps. Oui. Et ce temps, dont je dis, n'est pas un temps diachronique du sens de la chronologie, parce que ça, c'est la causalité. C'est la façon dont on déplace les pièces réellement dans la réalité. Et donc ça, c'est le semblant. C'est les lettres dans le discours. Exactement. C'est pour ça que sur la structure de base, les lettres peuvent changer de place. Ça tourne, mais d'une façon qui n'est pas n'importe laquelle. Et en même temps, quand elles se déplacent, elles n'ont pas le même sens. Hein. Parce que quand le savoir est en position de vérité du savoir inconscient de l'analysant, c'est pas la même chose que quand il est en position d'agent dans le discours universitaire qui est la connaissance. C'est-à-dire que Lacan, il fait la distinction entre savoir et connaissance pour bien marquer la différence. Mais évidemment, l'usage des termes fait que on se plante de temps en temps comme ça, hein, bien sûr, on confond. Oui. Vous souhaitez qu'on arrête ? Vous souhaitez qu'on arrête ? Bon, allez, on arrête alors.